but. Ça se calcule le huc, j'suis dans ma bulle, mode crapule, je lutte, j'me bute. A la grosse boucle au mic et au sample crade. Là-bas c'est grosse grâce et cette belle gosse me semble garce. Dans ce carnaval, mets le volume, prépare la table. Rallume ton pétard, marche droit, la plupart écarte aval. J'évolue dans ce monde féroce, un steak jeté au yen. En mode pirouette, les girouettes morfent en éolienne. Et on se casse la voix, rap sous les prés au mec. Soigne avec Jack Daniels plutôt que t'es au miel. J'suis MC comme Mista, sans la colère de mes ébouis. J'détruis trop de pistes, j'suis glacial comme RTZ. Texte à thème ou freestyle, rime à corps, j'élève. La war, la haine sort, puis la rage tord m'élève. J'ai le message, les ondes matrixées ne peuvent émettre. J'suis venu péra, j'ai jamais dit que j'me ferais maître. Souvent et malade, vu que ce monde part en verge. Souvent j'suis pas là, gros, j'suis dans ma grand-berge. J'bouge qui me sert d'ossature, envers le micro sature. M'enferme dans ma bulle, car le cerveau sature. On court sans lanterne, ce monde part en verge. Souvent j'suis pas là, gros, j'suis dans ma grand-berge. Ensemble on se renferme, les TN dans la GND. Le taf à la chaîne, les chaînes de merde de la TNT. Non merde, j'fais pas de manicard, marre de ces étiquettes. J'mène mes anticorps, ça recycle leur délire d'antiquaire. Pas d'appel à la cour, un big planté à la place du cœur. Pas calé dans la cour, j'fais vendre à part comme l'absinthe sans liqueur. J'suis dans ma sphère totale, et pour ça y'a pas de remède. Seul pas de trace en hommage, j'me relève quand les faux frères s'éveillent. J'ai pas de chèque, des potes crêtes qui tracent en lunettes. Des gosses fuck qui te rejettent. Plus réapparaît, je lâche des blocs, spot puis trop de 16. Mais sans vedette, qui conne sec, rime obscène. Tu t'en veux d'être, j'entends que ça gueule. Moi mon mutisme est insourdissant. Une partition rigide, un quart de siècle, mais chaque jour je prends 10 ans. T'as vu, je peux pas tout camoufler. Mérite contre leur belle devise. Mon passé me rattrape et nos virées devant l'hôtel de ville. Mes rêves sont inutiles, comme un cirque absent de cyclone. J'suis dans un mur d'orage et mes écrits dans l'œil du cyclone. Souffrant et malade, vu que ce monde part en verge. Souvent j'suis pas là, gros, j'suis dans ma grand-berge. J'bouge qui me sert d'ossature, envers le micro ça tue. M'enferme dans ma bulle, car le cerveau sature. On court sans lanterne, ce monde part en verge. Souvent j'suis pas là, gros, j'suis dans ma grand-berge. Ensemble on se renferme, les TN dans la GND. Le taf à la chaîne, les chaînes de merde de la TNT. Attends, j'm'évade, enfin il me semble, entre deux vagues de froid, mon rap plus sombre. En pleine lumière, on parlera jamais de moi. Y'a du sang sur mon marque-page. Imagine la gueule du livre. C'est con de devoir se voir pâcher sans fil avec la peur du vide. On me dit libre. Je réponds que j'ai pas l'argent suffisant. C'est vendé par l'esprit. Ne peut pas les voyages autrement. J'en monte la France. Ils me disent quitte là. Si t'es pas love d'elle, ils sont seuls sur une plage. Et les moi, je les fais boire que l'eau de mer. J'ai pas d'égard à avoir pour leur système de but. Et t'aide pas. On dirait d'un putain de film de cul. Courir sans but, comme plonger sans souffle en se disant que ça ira. Du mal à peur à l'espoir. Pour moi, c'est qu'un sale mirage. Des fois, je m'isole dans l'ombre, vais parler à mes fantômes. Je passe des nuits entières entre la camisole et des fonds de nuls. Je sais pas ce qui se passe, je vois pas d'espace. Alors, des fois, j'étouffe, y'a pas de miracle. Ça a coup de vague de froid que je noie mes doutes. Souffrant et malade, vu que ce monde part en verge. Souvent, je suis pas là, gros, je suis dans ma grand-berge. Je bouge qui me sert d'ossature, vers le micro, ça tue. M'enferme dans ma bulle, car le cerveau, ça. On court sans lanterne, ce monde part en verge. Souvent j'suis pas là, gros, j'suis dans ma grand-berge. Ensemble on se renferme, les TN dans la GND. Le taf à la chaîne, les chaînes de merde de la TN.